Parasite, tous les dimanches soirs à 21h, c'est l'émission la plus métal de la bande FM. Au programme, vous retrouverez tous les artistes et les acteurs du hard rock, du thrash, du death et du black metal. De nombreuses nouveautés seront dans l'actualité chaque semaine, ainsi que les découvertes de nouveaux groupes. Les annonces de concerts ainsi que les interviews seront au programme. Alors n'oubliez pas, le dimanche soir sur Fly FM, Parasite, 21h-23h. Et les pile-poils, 21h sur le 92.9 de la bande FM. Je suis ému. Il y a Jérôme, monsieur Jérôme, s'il te plaît, qui s'installe derrière les micros. Manu pour vous accompagner jusqu'à 23h, évidemment, c'est l'avant-dernière émission de Parasite. Et Jérôme, ça fait plaisir de te voir. Bon, oui, bien sûr. Toujours plaisir de te revoir, toi aussi. Le maître des motos, hein? Certes, un petit peu. Un petit peu quand même, beaucoup. Salut, même. David. Il y a David dans les yeux, il va dire un petit mot tout à l'heure, il est un peu timide. Les David sont timides. Mais il va venir au micro. Il a plein de choses à dire sur Zench, sur plein de groupes dont on parlait en antenne. Exactement. Oh. Yeah. La semaine prochaine, vous le savez, ce sera la dernière émission de Parasite. Il y aura le groupe Ghost Crappers qui sera dans le studio de Fly FM. Ils sont trois. Il y aura, je crois, les deux guitaristes, le bassiste ou le chanteur, je ne sais plus. Il y aura Turbo Jean-Louis qui sera là aussi pour commenter et évidemment poser plein de questions au groupe. Et puis il y aura aussi Jeff et moi-même. Donc voilà, on va poser plein de questions. La semaine prochaine sera la dernière donc, de la saison de Fly FM pour l'émission Parasite et aussi pour la saison de Fly FM qui ferme ses portes toujours mi-juin, hein, parce que ouais, après on parle période estivale. Ouais, période estivale évidemment. Et on revient mi-septembre pour les prochaines émissions de Parasite déjà et aussi pour tous les programmes en direct sur le 89.9 en MHz de la bande FM. Voilà. Oui. Ça c'est dit. L'émission c'est évidemment tout dimanche en direct, 21h-23h, mais aussi la rediffusion c'est vendredi soir à partir de. Je sais pas. Ah, je te pose une colle. Ouais. 22h. Ouais. 22h minuit. C'est pas la même heure. Ah oui, c'est pas pareil. Ouais. C'est un petit peu décalé, mais c'est pas grave. De toute façon, tout est décalé. On est toujours un peu décalé. Et sinon, il y a les podcasts à partir de dimanche qui sont disponibles, évidemment, sur la page Fly FM sur Internet. Voilà. Voilà, vous pourrez écouter l'émission, évidemment, hors antenne. Vous pouvez même la télécharger. Voilà. Si vous aimez vraiment. Hein, vous aimez ça, hein. Il y en a des fans. Moi, j'aime bien, moi. Allez, on aime la bière, hein. Bien sûr. Oui. Je pense qu'on aime tous un petit peu la bière et ça tombe bien justement, le groupe allemand Tankard est de retour. Tankard est de retour. On va les écouter maintenant avec un titre de leur nouvel album pour commencer l'émission Parasite. Et puis juste après, il y aura le nouveau Dagoba, le groupe de Marseille est de retour avec un nouvel album studio. Ça fait du bien, ça va faire du bien dans les oreilles. Ça va décrasser un peu. Bon. Allez, puis comme on a un long week-end, on va pouvoir boire un bon coup. Oh yeah. Inside your home, minions of your friends. Menteux sur 89.9. C'est bon, vraiment, que c'est bon, vraiment, que c'est bon. Vraiment, c'est bon. Dagoba, c'est bon, mangez-en. C'est bon comme du camembert. Ça se mange sans fin, c'est bon, c'est fin. Ouais, alors Dagoba, c'est le nouvel album qui sortira au mois de juillet. C'est une nouveauté donc proposée par le magazine Rockard. C'est pas nous qui avons été contactés le groupe. Quoique, ils sont pas très loin, hein, Marseille. Mais là, ils sont en train de boire le pastis, donc on peut pas les déranger. Ils reviendront évidemment. Alors ce nouvel album, il sort donc, je l'ai dit, au mois de juillet. Il a un petit titre. Je vais mettre mes petites lunettes de vieillard et je vais vous dire ça. L'album s'appelle Black Nova. Et le titre qu'on a écouté en exclusivité sur FM, Inner Sun. Voilà, auparavant on a eu donc Tankard, les Allemands sont de retour avec un pack de bière. Arena of True Lies, extrait de l'album One Foot in the Grave. Bon, ils ont pas quand même un pied dans la tombe, mais bon, ils ont encore de belles années devant eux, je pense. Et puis plein de packs de bière aussi. Il y en a pas mal derrière. Ouais, il y en a pas mal derrière, ouais. Mais bon, ce qu'on aime, c'est l'avenir. Hein. On leur souhaite un bel avenir. Mais 17e album quand même. Hein. Ça commence à filer. Rappelez-vous les vieux albums. Donc c'était The Morning After. J'adorais la pochette de l'album, évidemment. Toi, tu m'as chanté une chanson tout à l'heure en antenne. We wanna drink some whiskey. We wanna drink some beer. Bien le whisky, c'est dans le studio de Play FM. Chemical Invasion, c'était juste avant, c'était en 87. The Morning After, 88. Mais c'est des bons albums et moi j'étais revenu en 2012 avec leur album de retour, A Girl Called Cerveza. J'aimais bien cet album, évidemment. Un bon retour aux sources, évidemment. 17 albums, quand même, mine de rien. C'est plus que Metallica. Ça fait un paquet. Ouais. Ah oui, carrément. Ça fait un paquet. Un paquet de bière, ouais. On aime toujours et encore. Il y aura un peu de black metal ce soir, un peu de tout. Il y a une programmation assez variée. Ce soir, j'ai pas eu le temps de passer tout la semaine dernière, donc j'ai du rap de la semaine dernière. Du Impilateri, un peu du Ingo Malmsteen italien. Et aussi, en fait, hier soir, il y avait un très très bon concert. Trois groupes vraiment fabuleux dont on discutera dans quelques minutes. Et pour l'heure, je voulais revenir à Goditron parce que Goditron a sorti un triptyque sur la Première Guerre mondiale française qui était vraiment un massacre, en fait, on peut le dire, parce que bon, c'est vraiment une guerre totale, une guerre dégueulasse. Goditron revient donc sur la guerre française avec Close to Victory que l'on écoute maintenant. Toujours hein, dans la guerre, God dethrone, les dieux sont détrônés, mais on adore ce qu'ils font. Yeah. toujours dans l'émission Parasite avec God Dethrone, le groupe hollandais, donc il revient avec la troisième partie de sa trilogie en fait sur la première guerre mondiale. Française, côté français hein, cette fois-ci. The World Ablaze, il y a eu auparavant Under the Sign of the Iron Cross et Passchendaele en 2009. Voilà, on a une petite dédicace à oui, faire. Pour un membre du groupe Zench. Zench. Oh, yeah. Petit salut à Bruce et Steph qui nous écoutent. Bruce et Steph. Ouais, Wilson qui est pas loin aussi. Merci de nous écouter. Ouais. Et venez un de ces quatre à la radio. Oui, ça oui. Bien, avec les bergazins hein, et les chipots. Oui, oui. Pas de problème. Et de la bière. Et un peu de Zench, ça serait bien quoi. On peut retrouver. Est-ce qu'on peut en retrouver du Zench? Il faut qu'il en cherche. Il faut qu'il en trouve. Si nous écoute. Oui, oui. Ouais, ouais, j'aimerais bien passer du Zench à la radio. Merde. Bonsoir, bonsoir. Pas de problème. Hier soir, donc, à Avignon, il y avait un triptyque aussi, trois groupes vraiment fabuleux. Je pensais que ça allait être bien, moins bien, pas trop bien, génial. Mais en fait, tout était bon hier soir. Ritualization a commencé la soirée avec voilà, un programme festif. Comme vous l'entendez, c'est l'introduction de leur album. Je crois que c'est leur premier album. On écoute ça. C'est dans une ambiance black metal. C'est pour toi, Bruce. Yeah. Yeah. C'est la voix que j'aurais voulu avoir dans les années 90. Voilà, une voix bien rock and roll. C'est bon ça quand même. C'est bien bon. Ah, c'est bien, bien bon, bon, comme du bon vin. Ah oui, cet après-midi, on a été faire, en fait, ce matin, on a été faire un petit tour d'hélicoptère, et puis ensuite, on a été faire un tour du côté de Entraigues, tout ça. On a fait la région, donc du coup, c'est vrai que je pense à Zench, parce qu'à Entraigues, il y avait un groupe de black metal qui s'appelait Pangoria. Alors, je me rappelle, je sais pas si quelqu'un connaît Pangoria. Formant David connaît. Ah ouais, David, tu connais? Bah, tu vois, c'est pour ça que je veux que tu viennes. Oui, bien sûr. Allez, viens, viens au micro. Viens, s'il te plaît. Ah. Tu vois, le micro qui est juste là, voilà. Allez, dis un petit mot. Pangoria, je veux tout savoir de Pangoria, s'il te plaît. Allez, on a 5 minutes. Allez. Quoi, j'ai la démo à la maison, je l'ai réécouté, je me dis putain, mais ce groupe est complètement inconnu et j'ai la démo par contre. Ah, hein. Alors que Zench, je n'ai pas de démo. Oui, pas encore. Alors Bruce, encore. Si tu nous écoutes, encore. Mettons notre meilleure équipe dessus. Voilà. La recherche. Je vais les torturer au Jack Daniel s'il va parler. On va contacter nos meilleurs journalistes. Viens dire un mot. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Allez. Bah justement, c'est quel tout groupe on travaille ici. Il faut mériter sa bière. Le premier micro qui est juste là, c'est pour toi. Allez. Ah, juste parce que Pangoria, voilà, ça t'a chatouillé, évidemment. Donc on veut savoir un petit peu, enfin, pas toutes les informations, mais simplement pour savoir, est-ce que c'est un groupe que tu connaissais? Est-ce que c'est... T'as dit qu'il changeait de nom? David, tu voilà, prends ton casque, tranquillou, on est à la maison, hein, de toute façon. Donc, prends n'importe quel. Ton Parasite, c'est la seule radio où il y a plus d'auditeurs dans le studio que... Exactement, voilà. Tu as tout compris, ouais, bien sûr. Alors, David Pangoria, c'est qui? C'est quoi? Allô? Carpentras, si je me souviens son nom. C'était Entraigues, en fait. Entraigues. Ouais. Moi, j'ai la démo, et du coup, il me semblait que c'était Entraigues, ouais. C'est de quelle année, cette histoire? Alors, de quelle année c'était? C'était 97, 98 C'était là, ou la fin des années 90 ou la fin ou début des années 2000, hein, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça? Je pense, ouais. Est-ce que c'était des potes à toi? Oui, et je connaissais un peu le guitariste qui s'appelait Benjamin. Ouais. Et le batteur, je ne me souviens plus son prénom, mais on se fréquentait hors concert, dans des soirées, voilà. D'accord, moi j'avais fait la fête de la musique et c'est là que je les ai découverts. C'était à Caumont-sur-Durance. Tu devais y être peut-être, non? Certainement, oui. Ah ouais? Ben on s'est croisés, à chaque fois on s'est tous croisés en fait dans une autre vie, je crois. C'est ça. Mais bon, c'est marrant quoi, Zench c'était génial. Et du Pangoria par contre, ouais, je les ai jamais vus en concert. Mais bon, c'était marrant cette fête de la musique à Caumont-sur-Durance, parce qu'on a fini avec du Ophélie Winter. Il y avait du black metal. Oh, ça c'est mal. D'un seul coup, un peu de funk, c'était marrant quoi. Mais c'était vraiment la fin des années 90, hein. Franchement, on se rappelle tous de ces moments-là quoi. Oh oui, ok. Merci David. Tu reviendras dans l'émission Parasite. Je pense que il tu as l'air motivé. Voilà, la mémoire collective de la région, c'est ça quoi. C'est les gens qui ont vécu ce qu'on a vécu aussi. Et des fois, avec la bière, on oublie un petit peu. Donc il faut plusieurs esprits pour se rappeler qu'il y a eu un bon concert à Caumont-sur-Durance dans les années 90. Alors donc je le rappelle, hier soir, il y avait un très très bon concert. C'était à Avignon, donc au Black Bloc, enfin anciennement Black Bloc, chez les Bikers. À Avignon, il y avait donc Necro Rage que l'on va écouter, parce qu'on a écouté juste à l'instant ce groupe un peu black metal, mais vraiment l'album est fabuleux. Je l'ai écouté cet après-midi, je l'ai acheté hier. Ritualization, très bon groupe français que j'ai adoré vraiment. Et puis Necro Rage qui sort leur troisième album maintenant, troisième album officiel. Ouais, il y a eu des mini-albums auparavant. C'est toujours aussi carré et moi je l'ai acheté en vinyle, donc je pouvais pas le mettre dans la platine CD. Du coup, je me rabats sur un petit MP3 qu'on va écouter maintenant. Maintenant. Necro Rage. Ils ont changé de formation. Ils étaient trois, maintenant ils sont quatre sur scène. C'est pas mal du tout. On découvre la nouvelle formation avec ce morceau. Découvrons. Evil Names. Yeah. We'll be right back. Ah oui, j'adore la fin du morceau, évidemment. Je l'ai acheté en vinyle, donc j'ai passé le MP3 ce soir, mais bon. Ah, c'est... Un jour, on aura une platine vinyle pour repasser les bons vieux vinyles. En plus, j'ai acheté en vinyle rouge. Trop bon, quoi, trop fort. Allez, on revient à la musique plus mélodique. Feel the River. Le groupe suisse Gotthard. On calme un peu l'ambiance maintenant. Un peu violent le calme. C'est pour annoncer évidemment les Ghostcrappers qui viendront la semaine prochaine parce qu'ils ont fait leur première partie il y a 2 ans à Marseille, au théâtre. On écoute ça. Feel the River. Rock and roll. Baby. Dans l'émission Parasite. De temps en temps, ça fait du bien aussi. Oui. Pour varier les plaisirs. Non, la variation est brutale quand même. Et alors ouais. C'est comme quand tu tournes les pages d'un magazine, d'un seul coup, tu tombes sur un groupe black metal et puis hop, et après, c'est... Du shampoing. Oui, du shampoing. C'est pour que les gens se calment un petit peu. À force de faire des pogos chez eux, ils cassent tous les meubles. Il faut racheter neuf après. Ah ouais, on en discutait cet après-midi. Alors donc, ce concert hier soir, c'était fabuleux. Donc, il y avait Ritualization, très très bon groupe. Il y avait aussi Necrowrite en tête d'affiche, qu'on a écouté auparavant. Et puis là, maintenant, on va écouter Exécution. Non, c'est pas Exécution. Bah, puis en plus, j'ai révisé. Hein. C'est le groupe Exécutor. Exécutor, excusez-moi, parce qu'ils ont des logos. Ils ont deux logos différents. Il y en a un que j'adore, en fait. Il y a une guillotine, il y a un pendu. C'est fabuleux. Exécutor, en fait, c'est un groupe français aussi, qui hurle de temps en temps. Ça rappelle un petit peu la première période, en fait, de Creator. quand il hurle, d'un seul coup, paf, ça part comme ça, dans les aigus. Et puis les riffs, ça rappelle Maiden, ça rappelle du heavy metal de temps en temps, mais c'est du trash très très très rapide. Et je pense que c'était le meilleur groupe d'hier soir, pour moi, en tout cas c'est une découverte. Donc je vous propose de l'écouter. Oui, il balance, balance. Executor, extrait de leur CD. Adoré. Spéciale dédicace pour Sylvia Coquine. Oh yeah. Oh, oh, we'll be right back. FM. Fly FM. Chanson d'amour. Sur Fly FM. Sur Fly FM. Fly FM. Sur où ça? Fly FM. La radio des mouches. Fly FM. Ouh. Eh oui. Non, oui, évidemment. La radio qui fait planer. Évidemment. Très très bon morceau. Hein. Fin avec peut-être intro, outro acoustique. On adore évidemment. Ce groupe s'appelle Exécutor. Donc groupe français. Continue, on les écoute encore un petit peu, mais Exécutor a sorti donc son premier album en 2016, Poison, Lust and Damnation. Ils sont de Rennes, en Bretagne. On aime bien quand il fait frais ici. Nous, on vit dans la chaleur toute l'année, pratiquement toute l'année, je crois. On a un peu de pluie de temps en temps, mais bon, c'est vrai qu'en Bretagne, on n'y vivrait pas, mais on leur envie un petit peu. Il faut pas, il faut pas. Voilà, tu as dit ce que je voulais pas dire. Exactement, ouais. Très très bon Exécutor, franchement, avec cette voix qui monte haut, perché comme ça de temps en temps, ça rappelle un peu les premiers créateurs, Endless Pain, tout ça, enfin, les vieilles démos, quoi. Il s'appelait Tormentor à leur début. J'adore évidemment. Sylvie la copine qui nous écoute sur playfm.fr. Ouais, on va refaire un petit tour des hélicoptères, un de ces quatre. Il n'y a pas de problème. Allez, et puis donc merci beaucoup hein, aux éditeurs, auditrices qui nous écoutent sur flyfm.fr, évidemment, il y en a un paquet, évidemment, Isa Fosco, Franck Bodino, Jean-Louis Turbo, Jean-Louis qui revient la semaine prochaine, Jérôme Bianconi, je ne te connais pas. Oh, tiens, je crois qu'il a gagné un CD. Turbo Jean-Louis, c'est quelqu'un de charmant, absolument. Ouais. Il y a Sébastien évidemment de Volume Brutal qui a organisé le concert là, hier soir, franchement toujours des bons concerts. Il revient au mois de septembre pour le volume 9 du Volume Brutal, le prochain concert avec encore des groupes trash qui seront organisés, on en parlera évidemment à la rentrée. Steve Renwood évidemment qui prévoit un concert, on annoncera la date de concert évidemment dès que ce sera annoncé, hein, Steve, c'est quand tu veux. Et puis Jean-Louis Del Papayou qui joue toujours du Papayou, Papayou il est. Sa mère lui disait, faut pas le montrer parce qu'il est trop gros dans le quartier, je crois. Je m'en fais plus des paroles. Voilà. Bizarre à Maurice Caneuse qu'on a croisé aussi hier soir. Voilà, donc tous les auditeurs auditrices qui nous écoutent sur FM.fr. On reste en musique, bien sûr, avec Evergrey. On passe en Suède maintenant. J'adore la Suède, vous aussi, hein. Surtout les Suédoises. Je crois. Je me trompe pas? Non, non. Ça m'étonne pas. Evergrey. J'adore ce groupe, évidemment. Et le gros son suédois qui suit derrière. Disconnect avec la chanteuse de Nightwish. j'adore. Power progressif, évidemment, dans le style. Hein. The Storm Within, c'est leur dernier album studio qui date de 2016. Le groupe s'appelle Evergrey. Tu as aimé, Jérôme ? J'ai beaucoup aimé. Hein ? Ah, c'est pas mal, hein ? C'est bon. C'est bon, on en mettra dans les oui. Parasites, bien sûr. Hier soir, j'ai vu plusieurs t-shirts de King Damon tourner dans la salle de concert à Avignon. Et je pense que je vais en passer ce soir.